J'suis témoin d'une époque. Mon cœur palpite en vrai, c'est pas un pacemaker. Nos vies partent vite en braise, en bref, même notre espèce maker. À chaque à la monnaie sa pièce, couper des savonnettes ça paye. Mais seuls les amours. Désarroi, désarroi, putain, qui c'est qui a donné ce nom? Désarroi, mystique, mystique. Je cherche dans ma tête mon pote Désarroi. Ça vient d'où ce nom? C'est quoi, c'était un prince, un roi d'Égypte? Je sais pas moi, je cherche dans ma tête Désarroi. Désarroi. Ça fait un bail que je gratte, sans le moindre résultat. Ça y est, je crache mon magma, j'ai plus le time. Et non, j'ai les crocs, je veux remporter le trophée gros. J'ai des projets massiques, faut un gynéco. Frère, je nique leurs idées fausses, décide et je fonce, décime les sons, je défie les autres. Fuck tous ces crocs de fourbe, vas-y, jette l'éponge. Mec, c'est bon, laisse béton, lèche mes pompes. Ça fait un bail que je rame, seul doux. Je parle peu man, et ils se demandent ce que je couvre. Quelques blessures et une famille décousue. C'est l'électrochoc, la vie m'a mis des coups de jus. J'en ai marre de tout, j'baigne dans une mare de doute. Mon blast tagué sur les tables de cours. Voir des anges nécessite un gramme de poudre. Et le diable n'attend plus que nous sur son barbecue. 2007, j'marque le coup. On m'a dit mec, la vie te baisse donc prends la part le boule. Moi je veux ma part de flouze dans ce Nesby. Je respire l'oxygène et recrache le fuel. La haine s'empare de nous comme quand les ch'tards te fouillent. Cherche pas, on parle à langage de sourd. Je traîne sans garde-fou, tu connais le folklore. Canapé match de foot et bac de 12. Mais rien n'efface le blues, nos faces le prouvent. Passe le jour avant que je sois en panne de souffle. Avant qu'un trou de balle me goume. Ouais je cause pour beurre, black ou tout bab de souche. Yo, on démarre au quart de tour. Des éclats de rire la nuit, un mal de crâne le jour. Faut pas qu'on reparte bredouille. La dèche nous laisse pauvres et seuls avec une grosse dalle de choule. Crier au secours, jamais. Griller 11 cours de route, la chance fait une fausse couche. Pendant que le beauf remplit sa gourde rouge. Moi le verre en main, j'fais une escale à Moscou. Pas de route, secours, secoue la tête, écoute le spleen de ce qu'on dit beau qu'à foutre le souk. Ouais ouais, ce que tu vois déjà garagiste, envie de cara, mais dans nos crânes c'est Karachi. Faut qu'on se déchaîne, des anges déchus enchaînés au bas de l'échelle. Et que l'échec paralyse, le vice me baratine, dévore ma cervelle. Y'a peut-être un cerbère au bord du paradis. Faut qu'on se déchaîne, des anges déchus enchaînés au bas de l'échelle. Et que l'échec paralyse, le vice me baratine, dévore ma cervelle. Y'a peut-être un cerbère au bord du paradis. Désarroi. J'ai pas capté d'où vient ce nom de Désarroi, c'est un truc de ouf. Attends, attends, attends, il faut que j'aille prendre 2-3 bouquins à l'ancienne et tout. Désarroi, non, non, je t'inquiète, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Non, t'inquiète, poteau, tu stas, t'inquiète. Prends pas le bouquin, moi je vais te dire un truc, écoute bien ce que je te dis. Y'a trop de mecs qui font des armas, c'est des rappeurs et tout. Laisse tomber, laisse-les eux prendre des bouquins. Écoute, moi Désarroi, mon pote, c'est l'artiste. Lui, mon pote, il a un level. Laisse, laisse, laisse. T'es ouf, Désarroi, bordel.